Camille, ne me dis pas que tu as couché avec ce type-là. Camille, ne me dis pas que tu as encore fauté ce soir-là. Il est vraiment trop ingrat. Tu aurais pu me choisir, moi. Tu as dérapé encore une fois, Camille, je n'en peux plus d'entendre des choses comme ça. C'est un jeune con hippie, pourquoi tu aurais pu me choisir, moi? Camille, tire-toi de là. Tu n'es qu'à une relation du sida. Camille, et même moi, je vais te lâcher si tu n'arrêtes pas. Tu sais bien que je t'aime plus que l'histoire se répète en pas mieux. Tu sais bien que je t'aime plus que. Tu sais bien que je...